Le son du Terre-Terre 4. Grosse dédicace, merci à tous ceux qui l'écoutent. Eh, c'est vous les meilleurs, les jaloux, cliquez, bande de salopes. Squatter sur les Champs-Élysées, rien que la classe. Big rap vers 2CC en plein milieu de la place. Cliquez bande de salopes, mon style j'arrive tellement en force que j'ai baisé ta grand-mère, la cougar, la salope. Putain je traîne qu'avec des backers, que des choux rappeurs. Mon équipe c'est une équipe, rien qu'ils te font une faire prendre de terreur. Les policiers ils ont peur, ouais qu'ils ont peur. Les poulaillers on va vous écouter dans ton temps. C'est mort ça, je baisse la femme de Batman. J'fais un gros caca dans la piscine du Front National. C'est pour tous les déterminés, tous les vaillants, tous ceux qui nous ont soutenus depuis des années. Tous ceux qui porteront de la galère. J'oublie pas d'où je viens, j'suis un mec du terrain. La picrave on la connaît bien, t'inquiète pas mon coussin. Mes amis sont les mêmes depuis des années. Si tu picraves, fais attention de pas te faire serrer. Street class. Ni nous chiens de la casse quand on veut pour le son du Terre-Terre 4. KB Prod Dog in Industry dans la galère. On reste truand quand on veut. On rince de la gel, bugs à manger. Frère au hep, on lâche à danger. Parler de bise et de tasse et de bif et de taf, on peut toujours s'arranger. Venez pas nous déranger, bientôt on compte se ranger. Si y'a Haja comme Morsay, on compte bien se venger. Prends 9-5 comme on veut, gros. Tous les jours, jour, au casse-pipe, ça fait fait. Les pépettes, les pépés. Le vrai, c'est Morsay, cliquez, bande de salopes. Tiens, tiens. Le Uzi presse la gâchette. Vas-y ferme, ferme ta gueule. Tu racontes, compte que de la merde. Du pompon, pas mélodie. Fusil à pompon, chevrotine. J'trinque, trinque à la tienne. Dogging, KB, truand de la galère. Man, j'fais comme je veux. On fait avec peu de choses. Les bitches ont les baisses. La cerise sur la braise. T'es pas content, pas pécher. Moi j'paye content, même pas cher. Ma folie, folie m'accompagne. Avec ou sans compagne. Fuck, fuck la politique. Je vois Morsay comme président. La galère nous harcèle, une grosse pute en porte-chartel. Une camisole ne m'emprisonne pas. Yeah, sac 9, sac 9, 9, 3, 9, 5, 9, 5, 9, 5. Yeah, yeah. On est street class, ni nous chiens de la casse quand on veut pour le son du Terre-Terre 4. KB Prod Dog in Industry dans la galère. On reste truand quand on veut. On rince de la gel, bugs à manger. Frère au hep, on lâche à danger. Parler de bise et de tasse et de bif et de taf, on peut toujours s'arranger. Venez pas nous déranger, bientôt on compte se ranger. Des merdes. C'est qu'on veut le maximum au début. Je veux sortir une mère de la banlieue. Maudite, m'excite, je me dis, médite quand je milite. Minimum de guerre, mon ami, c'est 9 milli. Oui, oui, truand de galère, c'est le KB Prod Dog Industrie. Ça détruit, tu sais, l'homme des putes qui jacques sur la vie d'autrui. C'est ma main que tu veux, vise depuis des potos que je te donne des fruits. Des terres, Maroc, Mauritanie, Algérie. Gros, tu sais que c'est 1-2-3. Voilà, c'est qui dans le rap a fait son tri. Tu brilles, je t'avais dit que je veux le dernier cri. Ce qui veut c'est de plier nos pays. Il faut le payer, il faut le payer. Comme je le veux, t'es les preux dans les propos nerveux. C'est pas mon problème, c'est t'attends le succès pour rendre ta daronne heureuse. Pour le bis, pour le bis, pour le bis, pour le buzz. Pour le buzz, pour le buzz, amis dans les baisses 9-5, c'est 9-5, c'est 9-5 7-9-93. On est street class, ni nous chiens de la casse. Quand on veut pour le son du Terre-Terre 4. KB Prod Dog in Industry dans la galère. On reste truand quand on veut. On rince de la gel, bugs à manger. Frère au hep, on lâche à danger. Parler de bise et de tasse et de bif et de taf, on peut toujours s'arranger. Venez pas nous déranger, bientôt on compte se ranger. Si y'a Haja comme Morsay.